1. La Zinke parade, c'est quoi? 2. C'est un grand défilé multiculturel. 3. Combien ça coûte? 4. C'est gratuit. 5. Cela se passe où et quand? 6. À Bruxelles, en mai.